revient sur la terre. Isaac marche sur les pas de son père. Et la peur lui souffle encore de mentir pour protéger ce qu'il croit fragile. Mais tu veilles sur la promesse, même dans les détours du chemin. Tu bénis les champs semés dans la sécheresse, et la moisson surprend le lendemain. Quand la bénédiction dérange, les conflits ne tardent jamais. Tu rouvres les puits de nos pères, les sources bouchées par la peur. Tu fais jaillir l'eau sous les pierres, là où nous pensions n'avoir que la terreur. Tu rouvres les puits de nos pères, même au cœur de l'opposition, et la bénédiction trouve encore sa place quand nous choisissons la paix plutôt que la pression. Et se dispute chaque source. Isaac recule sans combattre. Il nomme les lieux par la perte, mais tu le conduis vers un espace plus large. Là où personne ne se bat, tu ouvres un terrain pour la vie. Tu rappelles que la promesse avance dans l'humilité, pas dans le cri. Tu rouvres les puits de nos pères. Ouvre les puits de nos pères. Tu rouvres les puits de nos pères. Tu fais jaillir l'eau sous les pierres, là où nous pensions. Tu nous fais